Perte et gain, histoire d'un converti, par le révérend Père Newman. Première partie. Chapitre 5. Oxford, une vue d'intérieur par un vieux don. Chaque année amène des changements et des réformes. Nous ignorons l'état actuel de l'église d'Oxley. Elle peut avoir jubé, piscine, sédilia, toutes choses nouvelles, comme aussi avoir subi une réforme en sens contraire, c'est-à-dire le dossier des bains tourné par principe vers la table de communion, et la chair placée au milieu des bas-côtés. Note. Les sédilias sont des sièges gothiques en pierre, pour le célébrant, le diacre et le sous-diacre. Ils sont construits dans l'épaisseur de la muraille du sanctuaire, du côté de l'épître. Fin de la note. Mais à l'époque où nos jeunes gens traversèrent le cimetière, il n'y avait rien, en bien ni en mal, qui pût les attirer dans l'intérieur de l'édifice, et ils passaient outre, lorsqu'ils aperçurent, en s'éloignant de l'église, ce que Sheffield appelait un vieux don. C'était un fellow connu de Charles, un homme de bonne famille et possesseur d'un petit patrimoine. Note. Le fellow est un membre de l'université qui jouit d'un legs, fellowship fondé au profit d'un collège. Tous les collèges ont leur fellow, le nombre de ces sortes de bénéficiaires s'élève quelquefois jusqu'à 30 pour un seul établissement. Les revenus des fellowships varient entre 2500 et 8780 francs. Les fellows ne peuvent se marier, ils ont cependant la liberté de le faire, mais dans ce cas ils perdent leur fellowship, qui, au reste, est remplacé ordinairement par un bénéfice dans l'intérieur du pays, s'ils sont ministres. Fin de la note. Il avait fait ses études à l'université en même temps que Monsieur Redding, et parfois il avait été son hôte au presbytère. Aussi Charles le connaissait, depuis son enfance, et maintenant qu'il était à Oxford, il en avait reçu, comme c'était naturel, plusieurs petites attentions. Un jour qu'il s'était trop attardé pour son dîner, le bon fellow l'avait invité à sa table. Une autre fois, il l'avait emmené à une partie de pêche à Farringdon. Il lui avait également promis des billets pour des dames de sa connaissance, qui devaient venir à la commémoration. Note. La fête de la commémoration est d'origine catholique. Jadis elle était consacrée à prier pour les bienfaiteurs de l'université, on disait une messe pour eux. Aujourd'hui on se contente de faire prononcer un discours en leur honneur. Nous nous dispensons de toute réflexion. Le lecteur n'aura pas de peine à tirer la conclusion de ce fait. Qu'il nous suffise de dire qu'à Oxford la plupart des monuments et des usages ont conservé leur cachet catholique. Peut-être est-ce à ces restes de respect pour la religion de ses pères que cette ville doit le privilège d'avoir donné naissance au grand mouvement religieux. Fin de la note. C'était un homme clairvoyant, d'un caractère facile, à la parole libre, au désir borné, d'une sensibilité assez calme, d'une délicatesse peu romanesque, et sans ostentation dans ses croyances religieuses, en d'autres termes, irréprochable dans sa conduite, il détestait néanmoins toute part de religion et ne pouvait souffrir les prétentions en ce genre. Connaissant l'université depuis 30 ans, il pouvait en porter un jugement équitable sur la plupart des choses. Il était venu à Oxley pour faire des funérailles à la place d'un ami, et il retournait chez lui. Il appela Charles de loin. Celui-ci, embarrassé tout d'abord de se trouver avec deux amis si différents et dans des rapports si opposés, ne tarda pas à se remettre un peu, en voyant l'indifférence de Monsieur Malcolm, et tous les trois rentrèrent ensemble dans la ville. Redding, toutefois, jusqu'au dernier moment, garda un reste de gêne et de malaise, surtout aux approches d'Oxford, où il rencontra des personnes de différents partis, qui le saluaient en passant. Par forme d'observation, Charles dit qu'ils avaient vu dans la campagne une jolie petite chapelle qui était en voie de restauration. Monsieur Malcolm se prit à rire. Ainsi, Charles, répliqua-t-il, vous mordez aux nouveautés du jour? Quelle nouveauté? S'écria le jeune étudiant, qui, troublé à ce reproche, ajouta pour s'excuser que c'était seulement par hasard qu'un ami les avait conduits à cette chapelle. « Vous me demandez quelle nouveauté ?» reprit Monsieur Malcolm. « Eh bien, la plus nouvelle, la dernière. Oxford est le lieu des nouveautés, elle ne manquait pas non plus de mon temps. La plus grande partie des résidents, les élèves, changent tous les 3 ans, les fellows et les tuteurs, tous les 6, et chaque génération a sa nouveauté. Non, il n'y a pas de principe de stabilité dans cette ville, excepté pour les chefs, qui s'y fixent et qui restent les mêmes jusqu'à la fin de leur carrière. Quel est le caprice du moment parmi vous autres les nouveaux venus ? Continua-t-il, est-ce la bouteille ou le cigare ? Charles sourit modestement, « J'espère, ajouta-t-il, que l'habitude de la boisson a entièrement disparu. Des choses plus mauvaises peuvent s'introduire, repartit Monsieur Malcolm, mais la mode est de tous les pays. Autrefois, nous avions ici le club de la déclamation. Peut-être est-il encore en faveur, auparavant c'était la société philharmonique. Nous avons vu la géologie faire fureur, maintenant, c'est la théologie, et bientôt ce sera l'architecture, ou les antiquités du Moyen-Âge, ou les éditions, ou les manuscrits. Chaque mode s'use à son tour, tout dépend d'un ou de deux hommes d'action. Mais le secrétaire se marie, ou le professeur obtient un canonicat, de là des réunions moins régulières, des réunions sans conséquences, et ainsi peu à peu la chose dépérit et meurt. Sheffield demanda si le mouvement actuel n'était pas trop général dans le pays pour lui assigner une telle chute. Il n'en savait pas long sur ce point, mais les journaux en étaient tout remplis, et dans le voisinage c'était le sujet de toutes les conversations, le mouvement ne s'arrêtait pas à Oxford. J'ignore ce qui se passe dans l'intérieur du pays, répondit Monsieur Malcolm. La question est vaste, mais le mouvement n'a pas ici des éléments de durée. Ces messieurs obtiendront des bénéfices et se marieront, et ce sera la fin de l'histoire. Je ne parle pas contre eux, je les crois des hommes très respectables, mais ils sont emportés par le flux de la mode. Charles fit observer qu'il était fâcheux que cette agitation alimentât l'esprit de parti. Oxford, ajoutait-il, devrait être un lieu de calme et d'étude, la paix et les muses sont des compagnes inséparables, et à 7 heures on parle, on discute dans chaque quartier. Les étudiants ne peuvent plus remplir leurs devoirs comme à l'ordinaire, ni accepter chacun comme il se présente, mais ils sont obligés de prendre part aux questions, d'avoir égard à de certaines choses qu'au fond ils rejettent, et d'affecter des opinions quand ils n'en ont réellement aucune. Monsieur Malcolm donna son assentiment d'un air distrait, occupé d'un point de vue qui s'offrait à ses yeux, et qu'il paraissait considérer avec plaisir. On trouve laide cette partie du pays, dit-il. Et peut-être avec raison, mais, soit habitude ou non, quant à moi, ce comté me plaît et je lui trouve toujours des charmes. Les effets de lumière y changent à tout instant, de sorte que le paysage, si l'on peut parler ainsi, varie à chaque pas. J'ai vu la bâche au vert prendre les nuances les plus opposées, quelquefois pourpre, d'autres fois couleur de safran brillant ou orange foncé. Et il s'arrêta. Oui, vous parlez de l'esprit de parti, en vérité, il y en a beaucoup ici. Non, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, continua-t-il, sortant de sa distraction. Certainement il y a des divisions à Oxford, mais les divisions et la rivalité y sont à l'état de permanence. Les sociétés diverses ont chacune leurs intérêts et leur honneur à maintenir, et elles se querellent, comme les ordres religieux dans l'Église de Rome. Je me trompe, la comparaison est exagérée. Oxford ressemble plutôt à une aumônerie pour les veuves des ministres. La vanité, la jalousie, les bavardages y sont à l'ordre du jour. C'était de même en montant. Les deux grandes ladies, dame vice-chancelier et dame théologien professeur ne peuvent être d'accord, et elles ont chacune leurs adeptes. Un jour, c'est le vice-chancelier lui-même qui, d'un coup de balai, met à la porte de la convocation tous les jeunes maîtres, et de la grande colère parmi ceux-ci. Note. La convocation est le grand conseil, et la suprême autorité de l'université. Tous les docteurs et tous les maîtres en font partie. À lui seul le collège de Christ Church Église du Christ, fournit environ 500 membres. En 1845, lors de l'affaire de Monsieur Ward touchant son livre, Heidi le vœu Christian Church, on vit arriver à Oxford 1300 membres de la convocation. Fin de la note. Un autre jour, c'est Monsieur Slaney, doyen de Saint-Pierre, qui ne se fait pas scrupule de dire dans une diligence que Monsieur Wood n'est pas un savant, sur quoi Wood, à son tour, l'appelle le calomniateur Slaney. Ici, c'est le vieux Monsieur Barge, ex-doyen fellow de Saint-Michel, qui s'imagine que sa jolie fiancée n'a pas été reçue avec les honneurs convenables. Là, c'est le docteur Crochet, qu'une influence funeste écarte, pendant bien des années, de l'évêché qui lui est destiné. D'un autre côté, c'est monsieur le professeur Caraway qui a été peint d'une manière infâme, dans la revue d'Édimbourg, par un élève paresseux qui l'avait humilié aux examens. Mais, voici, Majoram Ovemus, que trois collèges forment mutuellement le vœu d'une mortelle opposition à un quatrième, ou enfin, que les jeunes maîtres, hommes de labeur, trament une conspiration contre les chefs. Maintenant, toutefois, nous sommes en progrès. Si nous nous querellons, que ce soit une rivalité d'intelligence et de devoir, et non une rivalité d'intérêt matériel ou de caractère, combattons pour des réalités et non pour des ombres. Ces réflexions plurent à Sheffield, et il fit observer que l'état actuel des choses était plus réel que ce qu'on avait vu jusqu'alors, et qu'il avait par conséquent plus d'éléments de vie. Monsieur Malcolm ne parut pas l'entendre, car il ne répliqua point. Aux approches du pont, la conversation tomba. Tandis qu'il s'avançait dans High Street, Sheffield lança furtivement un regard à Charles. Pour eux, c'était un triomphe et un amusement tout à la fois de se voir hors des traits d'un censeur, qui parcourrait la même rue, grâce au maître, licencié, sous la protection duquel il marchait. Markhamdanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.